Togo, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 19 juin 2019. Voici les grands titres de cette édition. Le médiateur national trouve inopportune la récente déclaration du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU, réclamant une autre session de dialogue externe. Le ministère de l'Intérieur évoque la possibilité pour l'organisation PARCEM de reprendre ses activités à condition qu'elle corrige les manquements lui reprochés. Également dans l'actualité, un agent de la police de roulage qui fait disparaître les documents de véhicules saisis en porte l'entière responsabilité et doit les rembourser. C'est la réponse que donne le commandant de la police de roulage de la sécurité routière aux plaintes de certains conducteurs contre certains agents de la police de roulage qui perdent leurs documents saisis pour des contraventions. Et dans la chronique éducation, ce sera à la fin de ce journal, on reviendra sur l'âge idéal de début de l'école maternelle. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, l'institution de l'Ombudsman trouve inopportune la récente demande du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Lors d'un briefing aux Nations Unies, l'ambassadeur Smaïl Guergui a déclaré qu'il fallait une autre session de dialogue externe. Dans une déclaration, Edouard Douimana estime que le dialogue a été clôturé. Selon lui, cette démarche de l'Union africaine risquerait d'entraver le processus électoral. On l'écoute. En date du 14 juin 2019, a eu lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies un briefing sur le Burundi, au cours duquel l'ambassadeur Smaïl Guergui, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, a demandé la réouverture du dialogue inter-burundais, volet extérieur, en avançant que c'est pour permettre la réconciliation dans ce pays et qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Pour l'institution de l'Ombudsman et au regard de la situation actuelle, ce briefing demandé par des pays qui pourtant sont au courant aujourd'hui des avancées réelles auxquelles est arrivé le Burundi en termes de paix, en termes de sécurité et de réconciliation, étonne autant que la déclaration de M. Smaïl Guergui. De par le mandat qui donne à l'Ombudsman de la République du Burundi la mission spéciale de rapprochement des forces politiques et sociales, de réconciliation et de paix au niveau national, au niveau régional et international, nous avons suivi et participé à différentes sessions de dialogue inter-burundais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Au niveau extérieur, nous avons participé, sur invitation de son Excellence William Benjamin Mkapa, aux différentes assises qu'il a organisées et conduites. Si au dernier round, la participation des acteurs n'a pas été telle que escomptée, les circonstances qui en ont été la cause sont connues des différents protagonistes. Aujourd'hui, ce dialogue a été clôturé et le facilitateur a remis son rapport au médiateur, son Excellence Kaguta Museveni, président de l'Ouganda, qui avait été mandaté par le chef d'État de la communauté est-africaine. Au regard de la situation qui prévaut, un débat pareil au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Burundi n'est d'aucun intérêt, à part qu'il paraît être en déni des efforts consentis par le peuple burundais et son gouvernement, ainsi que les différents acteurs pacifistes de la politique burundaise. De même, le discours de M. Smaïl Guergui, commissaire paix et sécurité à l'Union africaine, lancé à moins d'un an des premières échéances électorales de l'an 2020, va à l'encontre de la motivation des parties prenantes qui se préparent déjà pour ce rendez-vous important pour le peuple burundais. Edouard Douimana, qui dénonce également dans sa déclaration les actes d'intolérance politique rapportés ces derniers jours, il demande que les auteurs soient traduits devant la justice. On écoute encore une fois le médiateur national. Au moment où nous observons des actes de violence à caractère politique, tout le monde devrait se focaliser sur l'endiguement de ces actes par une sensibilisation et un dialogue permanent interne à chaque organisation politique ou civile ou par le biais des cadres communs mis en place à cet effet. Ici, nous faisons allusion essentiellement au forum permanent de dialogue des partis politiques en ce qui concerne les partis politiques. Et dans ce contexte, on se souviendra que des coups de feu ont été tirés il y a peu sur une permanence du parti CNDD-FDD en province de Bubanza. Et très récemment encore, c'était une permanence locale du parti CNL qui a été la cible d'un incendie dans la province de Bujumbura. Nous condamnons avec notre plus grande fermeté ces actes de barbarie car ils ne peuvent mener qu'à la perturbation du processus électorale. Nous demandons que les auteurs de ces infractions soient recherchés et punis conformément à la loi afin de décourager toute velléité allant dans ce sens. Nous lançons encore une fois un appel à toutes les personnes qui sont en exil de regagner leur patrie, le Burundi. À ceux qui ne font pas objet de mandat judiciaire, le gouvernement va assurer la sécurité de leurs personnes et de tous leurs biens. C'était Edouard Nduimana, l'ombudsman burundais. Les activités de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, suspendues provisoirement, vont reprendre à condition que ces dernières se corrigent. C'est la déclaration de Tarsis Niyongabo, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de ce ministère. Il accuse cette organisation de ternir l'image du pays et de ses dirigeants. Il affirme que l'ONG concernée a été notifiée de cette décision et ni d'autres raisons à l'origine de ces sanctions contre la PARSEM. Suivez-le, il est au micro d'Elinibel Nibikira. PARSEM a été suspendue parce qu'elle a passé outre les objectifs qu'elle s'est assignés. Elle s'est mise à ternir l'image de notre pays, mais aussi de ses dirigeants d'Arobit, de troubler la paix et l'ordre public. Nous ne pouvons pas alors passer sous silence une telle infraction. Aujourd'hui, cette période de suspension, c'est une période qui est accordée à cette association pour qu'elle puisse revenir à la raison et sache dans quel pays elle travaille. Et la loi qui régit les ASBL précise bien que aucune association n'a le droit de ternir l'image de son pays, du pays dans lequel elle travaille, non plus de ses dirigeants. Nous n'avons aucune association qui puisse fixer comme objectif de ternir l'image du pays et de ses dirigeants. Est-ce que ce n'est pas par cette raison qu'elle dénonce des irrégularités au niveau de la gouvernance? Non, ce n'est pas pour cette raison. Et dénoncer une irrégularité dans le domaine de la bonne gouvernance n'est pas synonyme de ternir l'image du pays et de ses dirigeants. Plutôt, nous recommandons que s'ils trouvent qu'il y a un clin d'œil ou une correction à faire dans tel ou autre domaine, nous invitons à ces associations de s'approcher des concernés pour dialoguer à propos ou d'écrire des correspondances et nous réserver une copie pour que nous puissions nous-mêmes, en tant que ministère de tutelle, les aider à atteindre ces autorités concernées afin qu'il y ait cette correction s'il y en a une. Pour ceux qui disent que cette décision ne vise que réduire au silence les organisations de la société civile qui dénoncent ce qui ne va pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une association que nous avons dans notre pays. Nous avons des milliers d'associations qui sont agréées au sein de notre ministère. Signé le 3 juin, pourquoi cette décision apparaît aujourd'hui? Quand il y a une ordonnance qui est signée, nous ne la mettons pas sur les réseaux sociaux. Mais l'organisation PARSEM, quant à elle, dit n'avoir pas été notifiée de cette décision. Nous, ce que nous savons, c'est qu'elle est au courant, elle a été notifiée. S'il y avait le contraire, elle nous aurait dit approcher, mais elle n'est jamais venue dans notre ministère. Oui. Si c'est une décision qui a été prise contre cette organisation, elle devrait être notifiée. Je vous dis qu'elle a été notifiée et qu'elle est au courant. Entre-temps, l'organisation PARSEM dit n'avoir pas encore été notifiée de cette décision prise depuis le 3 juin en cours. Certains conducteurs de voitures en mairie de Bujumbura se lamentent que certains agents de la police de roulage perdent leurs documents saisis pour des contraventions. Cela affirme qu'il n'a plus retrouvé son permis de conduire et sa carte rose, même après avoir régularisé sa situation comme exigé. Suivez son témoignage. J'avais violé le sens unique et le policier m'a arrêté et collé une amende. Il a saisi mon permis de conduire et ma carte rose. Par après, je suis allé payer cette amende et quand je suis allé récupérer mes documents à la PCR, on m'a indiqué que mes documents sont introuvables. Et quand j'ai vu l'agent de police de roulage qui m'avait arrêté, je lui ai demandé où seraient mes documents. Il m'a répondu qu'il les a déposés dans un bureau à la PCR. Et on y est retourné ensemble et nous avons cherché mais en vain. À ce bureau de la PCR, on nous a dit que peut-être que celui qui les a gardés serait en congé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore retrouvé mes documents. Ça fait 3 semaines. Je me souviens du visage du policier, mais ce dernier dit qu'il a déposé mes documents dans un bureau là où on met les documents saisis. Moi, je demande que mes documents me soient remis, sans rien ajouter, parce que moi, j'ai déjà payé l'amende qu'il m'avait demandée. Voilà, c'était le témoignage d'un conducteur. Ces conducteurs de véhicules qui présentent un document qui montre qu'ils ont réglé la contravention récupèrent directement leurs documents. OPSA 1, Roger Banguibiguira, fait toutefois savoir que les permis sont retenus ou suspendus suite aux infractions commises et pour lesquelles ils peuvent avoir été sanctionnés. Et sinon, ce commandant de la police de roulage et la sécurité routière indique que si l'agent de roulage, de la police de roulage perd un document ou l'officier perd le document, il doit le payer sans aucune condition. On l'écoute. Lorsque nous transigeons une amende à un contrevenant, nous saisissons ses documents et son permis de conduire. Et ils sont conservés dans un bureau que beaucoup connaissent déjà. Le bureau numéro 22. Et lorsque la contravention est réglée, il n'y a pas de condition à la récupération de ces documents par le contrevenant. Mais parfois, il arrive que le contrevenant paye la contravention à l'aubert plus rapidement qu'il vient réclamer les documents, alors que l'officier qui lui a transigé l'amende n'a pas encore remis les documents au bureau déjà cité, parce qu'il n'est pas encore revenu de son lieu de contrôle. Et à ce niveau, dans pareilles circonstances, on demande au contrevenant d'aller voir l'officier à son poste de contrôle s'ils se sont pressés à récupérer les documents. Sinon, les documents ne peuvent pas passer 24 heures avant d'être déposés. Autre chose qui peut arriver et être mal interprétée, c'est que l'officier, par des circonstances diverses, peut perdre soit le permis, soit un des documents. Et si pareille chose arrive, et là je suis catégorique, ils sont déjà informé qu'il n'y a pas quatre voies pour régler la chose, si ce n'est que payer le document perdu ou le permis disparu. Il y a peut-être quelque chose que je dois préciser, c'est que parmi les infractions que nous sanctionnons, il y en a celles qui conduisent à la retenue ou à la suspension du permis de conduire. Et quand il présente la quittance de l'OBR après avoir payé la contravention et que le permis n'est pas remis, ils peuvent mal interpréter la chose, mais c'est la loi. C'est-à-dire que vous récupérez les documents, mais lorsque votre permis est suspendu, vous n'allez pas avec. Ça, c'est clair, c'est net. Dans l'actualité, des véhicules passent dans la bande réservée aux piétons au boulevard du 28 novembre et cela peut endommager ces endroits construits en matériaux non durables. Selon Pamphile Malaika, c'est ingénieur dans le domaine des infrastructures routières, il demande à la police de roulage de prendre des décisions pour protéger ces infrastructures d'intérêt public. Il a été joint au téléphone par Jean-Marie Vianney Nguendakoumana. Il est observable le matin une forte agglomération de véhicules sur le boulevard du 28 novembre. Cette agglomération est accentuée dans ces jours par les travaux de l'habitation du rond-point de l'ONU. Les véhicules sont souvent obligés de passer sur les accoutrements normalement qui étaient réservés au passage des piétons. Ces accoutrements sont normalement de faible importance parce qu'ils sont réalisés avec un revêtement à monocouche. Et ce passage des véhicules occasionne souvent des nids de poules ou même des nids d'éléphants si ces derniers sont très prononcés. La dégradation des accoutrements des trottoirs occasionne souvent la dégradation de la chaussée, proprement dit. Effectivement, c'est regrettable de voir que les véhicules passent par les trottoirs et les accoutrements, d'autant plus que les accoutrements sont de faible importance parce que généralement ils sont exécutés avec un revêtement monocouche, alors que la chaussée en soi a un revêtement à robe. Qu'est-ce qui devrait être fait pour protéger ces infrastructures publiques? Et la protection, normalement, on interpelle la police de sécurité routière pour qu'elle fasse son travail dans la réglementation des véhicules pour lutter contre la dégradation de la route et de ses accoutrements. Et aussi, il faut que les chauffeurs des véhicules évitent de passer sur ces trottoirs et accoutrements. Et aussi, il faut que l'État termine rapidement les travaux qui sont en cours au niveau du rond-point de l'ONU. Et la police est chargée de la sécurité routière, rassure. Elle se charge de suivre de près le mouvement de ces véhicules qui dévient de leurs axes et utilisent les trottoirs réservés aux piétons. Ceux qui enfreignent la loi seront sanctionnés, selon le commandant Roger Banguibiguira. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Une cellule de veille et d'analyse d'une information va être mise en place dans toutes les provinces du pays. Le ministre de la Communication et des Médias l'a annoncé ce mardi à Chibitoke, au cours d'une réunion avec les autorités locales. Selon lui, il va renforcer la confiance entre les médias et les administratifs. Suivez le ministre de la Communication, Frédéric Nahimane. Les membres de cette série proviennent de tous les secteurs presque de la vie de la province. Il y a le gouverneur de la province qui sera le président de cette série et le vice-président sera celui qui est chargé de la sécurité publique. Le secrétaire sera celui qui est chargé de l'information. Et il y en a d'autres membres, par exemple la santé, l'agriculture et l'élevage. Il y aura celui de la justice. Ils sont au nombre de 13 pour le moment dans notre préparation. Cette série a une importance très capitale, amenée à collecter et à traiter et à diviser l'information provinciale permettra de renforcer la confiance entre les médias et les administratifs. C'est la chargée d'identifier les signes d'alerte positifs ou négatifs dans la société afin de prévenir les crises que nous avons déjà assistées au niveau de l'information, selon les régions et selon le sujet traité. Nous avons vu que les informations qui étaient divisées, c'était des informations à rapport avec la capitale de Bujumbura et les chefs-lieux de province. À ce moment-ci, dans la mission de cette série, nous aurons les informations provenant des zones rurales. Nous avons vu que les informations livrées concernaient surtout le secteur politique et le secteur de la sécurité. Maintenant, nous voulons toucher d'autres domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé. Nous voulons ces informations de tous les secteur de la vie nationale pour que la population sache réellement ce qui se passe dans tous les domaines, mais pas dans deux domaines ou trois domaines. C'était le ministre de la Communication, Frédéric Nahimana, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la Radio Nationale à qui nous devons cet élément sonore. Les travaux de construction des barrages hydroélectriques sur Djidji et Mourenghé dans la province de Bururi commencent au mois de septembre prochain. L'annonce est du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique ce mardi lors d'une descente effectuée pour évaluer l'état d'avancement des travaux préliminaires. Ces barrages pourront produire plus de 40 MW. Les précisions de Moïse Misago qui avait fait le déplacement. Les travaux préliminaires consistent à la construction des maisons pour les ménages dont les propriétés sont occupées par ce chantier. Ces familles seront indemnisées par la société en charge de la construction de ces barrages. Le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique se dit satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Komema Nerakiza indique que les travaux proprement dits commencent avec le mois de septembre prochain. C'est un travail qui devait se faire avec beaucoup de délicatesse. La raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons qu'on est tenté de construire des bâtiments dans lesquels on doit déplacer ces ménages. On doit vérifier au niveau des indemnisations pour certaines propriétés qui seront aussi affectées. Aujourd'hui, l'entreprise a déjà eu son avance de démarrage. L'entreprise se prépare de son côté pour la mobilisation du matériel, les engins et autres. Nous sommes aujourd'hui très contents. On peut projeter dire qu'au mois de septembre prochain, on pourra alors procéder au lancement officiel. Le ministre Emma Nerakiza explique que le retard observé pour le début effectif de ces travaux par la recherche des partenaires financiers qui ont tardé à se manifester, ajoutant que le projet exige des fonds énormes. Vous savez très bien que c'est un projet dont on a parlé depuis longtemps, mais pour des raisons variées, n'a pas pu commencer comme prévu. Vous savez très bien que chaque fois qu'un projet doit commencer, il faut d'abord mobiliser les fonds nécessaires pour que ce projet soit réalisé. Il a fallu avoir certains partenaires qui ont accepté pour mobiliser les fonds nécessaires pour la construction de ce projet. Les fonds ont été mobilisés à hauteur de 170,4 millions de dollars. Le projet compte deux barrages qui vont être construits pour produire de l'électricité d'une capacité de 49 MW. 1 500 ménages ont dû céder une partie de leur propriété pour la construction de ces barrages. Sachez que les bailleurs de fonds à ce projet sont entre autres la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le gouvernement burundais ainsi que la Régie des eaux. Radio Isanganiro, chronique éducation. C'est la chronique éducation, comme vous venez de l'entendre. Il est possible qu'un enfant puisse commencer la section maternelle avant l'âge légal de 3 ans. Mais il ne faut pas le forcer, Kali, en a dont le cerveau n'est pas encore mûr, selon le professeur Innocent Nwari, spécialiste en sciences de l'éducation. Il tient à préciser que même ceux qui n'ont pas fait la maternelle peuvent avancer au même niveau que les autres, mais c'est à l'enseignant de pouvoir gérer sa classe. Cette chronique éducation est signée Marie-Claire Kazeneza. Nous vous avions parlé dans la chronique éducation précédente que l'âge préscolaire légal pour un enfant est de 3 ans selon les experts. Le professeur Innocent Nwari, spécialiste en sciences de l'éducation, nous explique qu'avant cet âge, l'enfant peut commencer la section maternelle. D'une part, c'est un avantage et d'autre part, c'est un inconvénient. C'est un atout parce qu'il va avancer vite que les autres. Il va développer peut-être avant les autres le langage. Et je vais dire que lorsqu'il est à la section maternelle, il bénéficie d'un meilleur encadrement par un personnel spécialisé. Mais l'inconvénient majeur, c'est que le cerveau n'est pas encore prêt à accueillir certaines choses et plus vous forcez, plus il y a plus de chances que l'enfant peut développer un sentiment d'abandon ou d'inaffectivité. Il va peut-être dire non, j'avais besoin peut-être encore du temps avec ma maman, on me l'a arraché, etc. Et l'enfant peut se sentir psychologiquement mal et il peut aussi refuser de retourner à l'école, ce qui est très mauvais parce que les choses peuvent ne pas être réversibles. En effet, lorsque l'enfant quitte l'école, il a besoin d'un accompagnement à la maison, nous explique le professeur Innocent Nwari. Il faut suivre l'enfant, il faut l'accompagner. Des fois, on lui donne des devoirs à domicile, une fois par semaine généralement. Il faut essayer de suivre ce qui est donné dans les devoirs à domicile. Je dis psychologiquement parlant, il ne faut pas essayer d'aller plus loin. Et il faut faire attention, il ne faut pas consommer beaucoup de temps par jour. À 3 ans, autour de 3 ans, l'enfant il a encore besoin de jouer beaucoup plus. Il a besoin de beaucoup plus jouer qu'apprendre. Donc, il faut lui laisser un temps libre. Et s'il faut peut-être lui faire un devoir à domicile pour essayer de refaire plusieurs fois la même chose, il ne faut pas idéalement aller au-delà de 15 minutes sur une même activité. Ça peut décourager l'enfant et puis son cerveau il n'est pas encore très mûr pour supporter à long temps sur une même activité. D'abord, il faut varier. En plus, l'enfant qui n'a pas fait la section maternelle peut avancer au même niveau que les autres, d'après le professeur Innocent Nwari. Pédagogiquement, on dit c'est à l'enseignant de s'adapter aux enfants et non l'inverse. Un enseignant digne de nom de la première année de l'école primaire, avec de petites questions qu'il pose aux enfants, même s'il ne s'est pas informé si l'enfant a fait la maternelle ou pas, il peut le voir. Normalement, tout enseignant, il doit essayer de mettre tous les élèves au même niveau. Et dans les questions, dans les interactions, dans la sollicitation des réponses, dans la désignation des élèves qui répondent à une question donnée, un enseignant digne de nom, il sait voir et peut-être s'intéresser à ceux qui n'ont pas fait la maternelle par rapport à d'autres. Comme ça, ils essaient de leur voir qu'eux aussi n'ont pas perdu grand-chose. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça, c'est la tâche de l'enseignant, de pouvoir gérer sa classe. Il doit faire ce qu'on appelle l'individualisation de l'enseignement, essayer de s'adapter au niveau de chaque enfant. Ce spécialiste en sciences de l'éducation propose que l'État puisse multiplier les écoles maternelles publiques afin que tous les enfants bénéficient au même niveau scolaire. Merci Marie-Claire Kazeneza. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec intérêt. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Un bon après-midi à tous. Jean Bosco, Douimane.